Oh là là, j'ai pas envie d'être dans ce bar. Il est sordide. Mais en même temps, ça lui donne un petit côté branché. Non, il est vraiment chouette ce bar. Je suis moche, je ressemble à rien. J'ai des grosses fesses. Mais il est plus beau que celui de Kim Kardashian. J'ai vraiment le plus beau derrière du monde en fait. Mais qu'est-ce que je fais là avec elle? Elle doit me trouver nul, nul, nul. Non, en fait, je sais qu'elle m'adore. C'est normal, je suis exceptionnel comme mec. On est vraiment fait pour être ensemble, je le sens. On va se marier, avoir 3 enfants, Charlie, Lola et Sophie. Mais je serai jamais capable de m'en occuper. Ils vont rater leurs études et devenir chômeurs, et ce sera de ma faute. Ah, je me sens vraiment bien avec elle. Je me sens vraiment bien avec lui, mais maintenant, non. Ah oui, moi aussi ça me le fait, j'ai plus envie de la voir. On est vraiment fait pour être ensemble. Si vous n'aimez pas vos troubles psychologiques, quelqu'un les aimera pour vous. Psychotique, le site de rencontre pour bipolaire exigeant. Pensez quand même à vous synchroniser pour être dans la même humeur en même temps. Ça va pas la tête ?